Les mois qui passent et se pressent, fan et se lassent des caresses de nos mains froides et lointaines. Si je n'ai déjà trop vieilli, j'en oublierai tes deux fesses, tes lèvres chères de tendresse, ton battement de cœur qui ne cesse. Voici les clés de nos chaînes. Si je...